Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Qui dit île, dit trésor caché, assurément. Et un départ pour une île, avec son trésor, commence traditionnellement dans un bar. Une discussion entre un aventurier ou autre enjôleur et un naïf. Oui, qui dit île, dit trésor, à condition que l'île au trésor en question, soit déserte. Et l'essentiel, c'est que cette histoire soit captivante, elle l'est, et sa lectrice y est pour beaucoup. L'île de la Tortue est le trésor du pirate Morgan, première diffusion sur la chaîne nationale, le 3 février 1962. À l'occasion de l'attribution du nouveau prix de la nouvelle à Georges Arnaud, la radiodiffusion télévision française vous propose d'écouter L'île de la Tortue du pirate Morgan, une nouvelle de Georges Arnaud lue par Arletty. Collaboration technique Joseph Rémiot, assistante de production Catherine Joubert, réalisation Paul Ventre. Nul ne savait exactement qui était Jacques. Suivant les jours, il se prétendait fils naturel d'un boxeur célèbre, héritier d'un baron hongrois ou simplement père putatif. Il prenait sans doute ça pour un titre honorifique, pour peu qu'il fût savant, il dédaignait souvent la signification des mots qu'il employait. D'ailleurs, il mentait sans souci de vraisemblance ni de continuité. Il n'y avait de permanent dans ses prétentions qu'une grande compétence de navigateur. Il avait dans les 25 ans l'air d'un gorille qui eût été rose et blond. Il aurait facilement pu faire carrière de greluchon dans les draps de quelques prostituées du port. À Puerto Muerto, comme dans toute l'Amérique du Sud, sauf ici à Panama, où il y a pléthore, les cholas, couleur d'acajou, se disputent les jeunes blancs. Mais un souci constant de romantisme ostentatoire le tenait écarté de cette solution. Il préférait la misère, ainsi que l'attente imprécise d'une improbable aventure. J'avais noué connaissance avec lui au hasard d'un voisinage de table, dans un mauvais lieu pour docker où 8 heures par jour il était garçon de salle. Le reste du temps, client, du moins pour la boisson. La conversation me donna vite l'occasion de l'apprécier. Il affectait le genre intellectuel nietzschéen. Sa culture se bornait aux œuvres de Jules Verne, de Stevenson et de Marcel Schwab. Mais ces trois-là, il les connaissait, au point de leur emprunter des phrases entières qu'il récitait sans citer de référence, de l'air négligent et sûr de soi du type qui pense juste et s'exprime bien. Il avait conscience d'appartenir à une élite rarissime d'hommes également doués pour l'action et pour les plus délicats lyrismes. Connaissant trop la vie pour attacher de l'importance à ses origines aristocratiques, il les mentionnait pour mémoire dans un simple et digne souci de ne pas se déguiser. Il croyait à son étoile et à la force de la volonté. En un mot, il constituait un spécimen assez remarquable de jobard. Le soir, je retrouvais au bistrot mes copains. Charlie et Jimmy, dit Jimmy le menteur. Était-ce d'avoir navigué sous plusieurs latitudes, dont quelques-unes mortelles? Était-ce sécheresse de cœur? Nous étions très amateurs de naïfs et à l'époque, nous en faisions grande consommation. Or, ce gars attirait la mystification comme, pour rester dans les limites de la comparaison décente, comme le miel attire les mouches bleues. Les hommes, j'ai découvert un extraordinaire jeune crétin leur annoncer ce jour-là. Le nouveau vicaire, demanda Jimmy l'air maussade. Mieux que ça. Le vendeur de chez Gomez? Le commis des postes? Le petit ingénieur de Dallas qui vient d'entrer au service de la transportation à la chaîne? Non. Usé jusqu'à la corde, cela. Un tout neuf, un qui n'a jamais servi. Le garçon de salle du Corse qui tient Alparaiso Barro. Jacques? Cette cloche? Charlie est un cœur pur. Son scrupule me parut exagéré. Parce que pour que tu puisses mener un type en bateau, il faut que tu l'estimes. T'as pas l'impression que tu charries un peu? Évidemment, conclut Jimmy, pour ce qu'on veut en faire. Nous n'étions pas des blagueurs vulgaires, non. Plaisanterie rude, mais coups humains. Nous nous documentions sur nos éventuels clients. Pour commencer, nous procédions à une étude psychologique sérieuse et bien que peu fortunée, nous ne lésinions pas sur les tournées d'apéritifs au cours de l'enquête préalable. Charlie répugnait à s'afficher avec un garçon d'un si médiocre standing et Jimmy était grillé. On ne ment pas impunément à tout le monde 6 mois de rang dans une ville de 3000 habitants. Je fus donc chargée des travaux d'approche. Nous constituâmes un pécule et je retournai le lendemain au Parézo. À la manière dont Jacques me salua, je connus d'emblée qu'Antonio, le patron, qui était mon copain, lui avait parlé de moi en bien. Évidemment, mon palmarès ne pouvait que faciliter ma tâche. Avoir été chercheur d'or avec fruits, contrebandier trafiquant d'émeraudes, parler plusieurs langues étrangères et jouir de quelque instruction, c'était là de quoi retenir l'attention d'un garçon comme Jacques. Je m'assis à une table et lui fis signe de venir prendre un verre. Antonio nous apporta lui-même le rhum et le Coca-Cola. Il y a longtemps que tu es là, demandai-je à Jacques. En un quart d'heure, il m'avait confié les ressorts les plus secrets, du moins le croyait-il, de son existence de candidat à l'aventure. Not strike for life, but war for life, disait-il finement en faisant curieusement ressortir l'emphasis à travers un épouvantable accent de San Francisco. Ses buts de guerre, avoir un bateau pour parcourir le monde. À chaque escale, être reçu dans la meilleure société, de préférence à l'ambassade d'Angleterre, avoir un harem à bord, au fond du cœur, un grand amour. Protéger à l'occasion quelques veuves ou quelques orphelins. Être aussi à l'aise, aussi à sa place à la barre de son cotre qu'à la table des grands de ce monde, que dans les pires bouges du Pacifique Sud. Ainsi de suite. Les nuits des Galapagos, disait Jacques. Une gêne se mêlait à mon amusement. Celle de voir ainsi démonter et remonter en caricature tous les traits, tous les mobiles de mes amis. J'ai connu celui qui court à travers le Pacifique, d'une merveilleuse escale à une autre escale plus merveilleuse encore et dîne parfois à la table d'un baronnet. Celui qui a 7 femmes à bord parce qu'il aime faire l'amour en mer. Et celui qui... Je surveillais mon regard, les inflexions de ma voix. En même temps, mon ardeur croissait. Quelle farce attrape nous allions organiser, mes copains et moi, en faveur de ce jouvenceau, je n'en savais rien. Mais de quoi j'étais sûre, c'est qu'elle serait sévère. Je n'aime pas les miroirs déformants. Je me ferai percer une oreille. Quand on a un bateau à soi et qu'on mène la vie que je mène, il parlait déjà au présent. On se doit de porter l'anneau des frères de la côte. Ce sont des gens aménagés. De mépris, de rigolade, de pure haine aussi. Je ne savais plus où donner de la tête. C'est Jimmy qui a eu l'idée. En général, pour ces trucs-là, c'est lui qui les avait. Je venais de rendre compte de ma conversation en sirotant un verre de whisky dans l'arrière-salle du bistrot de Charlie où nous avions nos habitudes. Les frères de la côte. Et parfait ce petit mec, murmurait pensif le maître de séance. Et un anneau dans le nez. Dans les oreilles, dans l'oreille gauche exactement, vieux. Ce garçon a des lectures. Eh bien, qu'est-ce qu'on décide? C'est alors que l'œil du menteur a commencé de briller. On lui fait le coup du trésor, et pas en petit encore. Écoutez les hommes, l'île qui bouche l'entrée de la rade s'appelle Tortuga, la tortue. Ça vous dit rien? L'instinct, l'intuition, une espèce de sens du mot tiennent lieu à Jimmy de connaissances véritables. De nous trois, il n'y avait pourtant que moi à connaître la légende de Morgan le pirate et de son trésor caché. N'empêche que c'était le menteur qui avait mis le doigt sur la chose. Nous élaborâmes un plan. s'agissait d'abord de lancer Jacques sur la piste. Ça, c'était mon boulot, et un boulot facile, je m'en flattais. Ensuite, de le pousser à entreprendre, non pas une promenade, mais une expédition, une vraie, qui lui coûterait cher en argent et en peine, en effort et tout de suite après, en déboire. Si nous pouvions l'amener à s'endetter pour 2 ou 3 ans et à quitter le pays faute de pouvoir payer, ou encore à commettre quelques délits, voire un crime, pour subvenir aux frais de son équipement, notre joie serait déjà grande. Il pourrait même, à l'issue de tout ça, récolter de 5 à 20 ans de prison. Notre goût des plaisanteries rudes nous conduisait. Peut-être se suiciderait-il. Le lendemain, choisissant une heure creuse où il serait libre, prêt à recevoir la bonne parole, je retournai au Paraiso Barrio. Tu vois tout ça, petit gars, c'est bien, dis-je ce jour-là à Jacques Pauvre Machin, ainsi l'avions-nous surnommé à peu de frais. C'est très bien. Je m'y connais en homme, j'ai bourlingué dans tous les ports du monde et vu plus de choses. Ce langage le mit à l'aise. Il reconnaissait un style familier. « Tu vois, me répondit-il, tu permets que je te tutoie, n'est-ce pas ?»« Pour acquiescer, je choisis de me taire. » C'est comme ça qu'il le comprit du reste. « Tu vois, tout à l'heure, j'étais assis sur la plage, petit gars insignifiant, contemplation devant l'horizon marin, et je me disais qu'un petit gars assis dans le sable, regardant la mer Caraïbe et sachant qu'un jour il aurait son bateau, eh bien... » Il me regarda dans les yeux et termina sa période en scandant les syllabes. « Eh bien, ça vous a une gueule énorme !» Il vida son verre de rhum and coke, puis, oubliant que le garçon de salle c'était lui, il esquissa un geste pour appeler quelques serveurs. « Cantiniero !» Deux filles éclatèrent de rire. Ce bruit le ramena sur terre. Il repoussa sa chaise. Pour garder de la classe dans les professions les plus humbles, il suffit de ne pas avoir l'âme basse. Lui l'avait. Il ramassa son verre, puis tendit la main vers le mien, renonçant au tutoiement. « Qu'est-ce que je vous sers, monsieur Moureux ?» Et revenant du comptoir, « Votre whisky, monsieur Armand. » Il avait besoin de transition, ce garçon. « Mon prénom, maintenant. » Une minute plus tard, il était redevenu mon égal, un aventurier de haut bord. Un égal un tout petit peu supérieur, dans la mesure où c'est possible entre pairs. Un tout petit peu supérieur, mais bienveillant. Une gueule énorme, je te dis. À vrai dire, fis-je, ça ne prendra toute sa grandeur que le jour où tu seras debout à la dunette de ton bâtiment, avec une casquette à galons d'or pour te cercler le crâne. Jusque-là, il me regarda d'un air malheureux, puis froissé et bouda pendant une semaine. Moi, je prétendais que c'était bon signe, mais Jimmy et Charlie me traitaient de maladroit, pour ne pas dire de... Le mercredi avant Pâques, Pauvre Machin vint de nouveau s'asseoir à ma table. « Dis donc, toi qui y as été... C'est bon pour l'or, la grande savane ? Bon, on ne peut pas dire. De l'or, tu en trouves, répondis-je. Un type travailleur, je veux dire 12 heures par jour de pelle, de pioche et de batté, peut compter sur ses 15 grammes quotidiens. Il siffla. Je repris. 15 grammes, Dans ce pays où le gramme d'or lourd, d'or de mine à 22 carats, vaut tout juste un dollar, ça te fait 45 bolivars. Tu te fais plus ici. Je savais bien qu'il n'en gagnait pas le quart. Je laissais passer 2 jours avant de retourner au Paraiso. J'y ai pensé à la grande savane, me confia Jacques, l'après-midi du vendredi saint. Il était 3 heures. Vêtu de noir, les filles étaient à l'église, agenouillées sur le ciment. Elles mettaient leurs creuses à profit pour pleurer la mort de Dieu. La loi leur interdisant les sorties sans surveillance hors du quartier réservé, Antonio était avec elles. Jacques seul assurait la garde de l'établissement. C'était le moment. Je repris la balle au bon. « Tu vois, la savane, j'y ai vécu. J'en ai trouvé de l'or. Et je n'y retourne pas. L'or, c'est bon, mais autrement. Quand tu auras ton bateau pour jouer sur le marché mondial ?» Je sortis de ma poche 3 journaux de Paris. La veille, par l'avion de 11 heures, j'étais allé les chercher à la librairie française de Bogota. Je me fais envoyer les cours tous les jours, du Havre. J'ai un type que je paye pour ça. Je suis radin, et ça se sait. Je peux donc risquer ce genre de mensonge même sans avoir un sou en poche. Un avare peut se permettre d'être mal habillé et de boire des consommations bon marché. L'avarice apporte une note de piquant, de surprenante vérité à une silhouette d'aventurier. Ça vous pose, ça fait sérieux. Les doigts de pauvre machin suivaient les lignes de pointillés. Regarde, poursuivis-je. Par ici, tu paies 1 dollar le gramme d'or. Là-bas, le dollar est à 381. Le lingot d'1 kilo de métal, 1 kilo, 1000 grammes, et du 18 carats le lingot, 670 000. Tu gagnes 670 moins 381, 289 francs au gramme. Plus la différence, carat, disons 15% sur le prix fort, 100 francs, ça fait 389. Autrement dit, tu doubles ton capital et les 8 francs nécessaires sont pour les frais. Tu t'imagines ? L'idée que mon calcul pouvait être faux, probablement l'était-il, n'effleura pas ce jobard. Il respira un grand coup, puis murmura le mot « merde ». Oui, la fortune, c'est pas de chercher de l'or. La fortune, c'est le trafic. Il y eut des secondes de silence pendant lesquelles il supputa en haletant. Oui, reprit-il, mais le bateau. Écoute, petit gars, moi j'ai mon opinion sur toi, je te l'ai déjà dit. Nous sommes tranquilles pour un moment, les filles ne rentreront pas avant 6 heures. Alors voilà, je te fais confiance. Je mis un mâle accent dans ces mots. De l'héroïsme vibra dans la salle et se répercuta au mur. Et la tortue où Morgan a caché son trésor, c'est l'île de la Rade. Ainsi se termina mon exposé. Lors de mon voyage de la veille à Bogota, je n'avais trouvé aucune documentation sur Morgan, ni à la librairie, ni à la bibliothèque de l'université. C'est à l'Institut de géographie que j'avais fini par chaparder une carte dans les classeurs du chargé de cours d'hygrométrie. Elle représentait bien fidèlement une île de la Tortue, et la de la Tortuga, qui n'était d'ailleurs pas celle de la rade de Puerto Muerto. Elles sont 17 de ce nom au répertoire de l'Atlas Holstein. En plein milieu, un astérisque scintillant indiquait en réalité que c'est là un des endroits du monde où le niveau des pluies est le plus bas. Aux yeux de Jacques, ça ne pouvait être que le symbole d'un trésor caché. Que le tout fût imprimé et en caractère très moderne, ça ne l'arrêta pas. Pièce jointe, une note en langage chiffré que j'avais composée en frappant au hasard par groupe de 4 lettres sur le clavier d'une machine à écrire, ce cryptogramme produisit le plus heureux effet. Tandis que je lui inventais une traduction, je voyais la pomme d'Adam de mon auditeur circuler à toute vitesse dans son gosier. Et maintenant, tu te demandes pourquoi je te révèle ainsi tous mes secrets. Il n'avait visiblement pas pensé si loin. Mais une fois qu'on avait attiré son attention sur quelque chose, il était de ces hommes qu'on ne prend plus au dépourvu. « Et pourquoi donc me révèles-tu tous tes secrets ?» me demanda-t-il avec pertinence. « Parce que j'ai besoin d'un homme comme toi. » Il posa sur moi un regard de tranquille fierté. Bien sûr, j'avais besoin d'un homme comme lui. Je ne lui apprenais rien. L'évidence même. J'enchaînai. Voilà. D'abord, actuellement, je suis très pauvre. Avec générosité, il attribua cette déclaration à mon avarice et attendit la suite. Je ne peux pas mettre un sou dans cette affaire. Il faut que tous les frais, tu les fasses toi-même. Bien sûr, je pourrais emprunter et sans doute il me serait plus facile qu'à toi de trouver de l'argent. C'est vrai, mais je me penchais. Mais je ne dois pas paraître dans cette affaire, à aucun prix. Ils savent que je détiens un secret de cette nature. Ils auraient leur attention mise en éveil par mon déplacement sur une île déserte. Parce que, tout de même, elle a beau être en rade, à une portée de boulet, 1000 sabords, ce n'en est pas moins une île déserte. Je m'arrêtai, regrettant presque d'avoir cédé à la tentation de la portée de boulet et des sabords. J'avais peur d'y être allé un peu fort. Une question qui naissait à ses lèvres me rassura. « Il, qui est-ce ?»« Comme si je pouvais te le dire !» Et maintenant, rien sans sacrifice. Il va falloir travailler et dur. Je le magnétisai d'un coup d'œil de chef. Il me rendit mon regard, mettant dans le sien le mage de son obéissance et de la plus aveugle confiance. Moi, je suis malade. Je ne peux pas t'aider. Du reste, ma part dans l'entreprise, je te la porte là. Je tapotai les papiers du bout des doigts. Il hocha la tête. À partir de maintenant, il va falloir rogner sur toutes les dépenses, vivre sou à sou. Jamais un verre d'alcool, jamais un soir au cinéma. Et tu te restreindras aussi sur la nourriture. Compris ? Compris. Les filles, je n'en parle même pas. Tu n'es pas joueur. Bon. Et puis, il va falloir trouver un travail de complément, mettre les bouchées doubles. Une expédition pareille, ça coûte gros, tu sais. Je ne me rends pas bien compte. Un mois de vivre, la location du bateau qui te transportera là-bas, des outils, une barre à mine, une pelle, une pioche, tout ça en double pour le cas où tu en casserais un. Les instruments scientifiques en double aussi. Mais oui, mon vieux, mais oui. Tu ne comptes pas trouver le trésor à l'aide d'une baguette de sourcier, non? Au strict minimum, 2000 bolivars, 280 000 francs et des poussières. Voilà ce que représentait la liste de matériel dressée par mes soins avec la collaboration de Jimmy et de Charlie. Elle était très complète. Outre l'outillage que j'avais indiqué d'emblée à mon associé Jacques Pauvre Machin, nous avions ajouté, par exemple, 2 thermomètres de précision. Selon une méthode que nous avions inventée en 20 minutes autour d'un whisky, puis réduite en formule d'algèbre sur 4 pages de papier quadrillé, il suffisait d'enfoncer en terre chacun de ces instruments à 1,20 m de profondeur. La distance de l'un à l'autre devait être de 77,35 m, mesure en surface. Un fil à plomb à 7 bolivars jouait aussi son rôle. Après avoir créé, à l'aide d'un générateur portatif coûteux, un champ magnétique dont on calculait l'intensité grâce à un ampèremètre hors de prix. Je ne me rappelle pas exactement la suite, mais à en croire l'espèce de mode d'emploi que nous avions truffé de référence à Georges Claude et à Branly, Édouard, les résultats ne pouvaient manquer d'être précieux, pour ne pas dire inestimables. Gagner cet argent n'avait pas été une petite affaire pour Pauvre Machin. D'autant plus qu'histoire de parfaire l'embrouille, le menteur s'était arrangé pour lui faire perdre son emploi chez le Corse. Jacques, qui fournissait déjà double journée de travail, l'une comme garçon de salle et l'autre comme docker au tarif nocturne des heures supplémentaires, avait dû chercher un nouveau gagne-pain pour le jour. La nuit, il continuait à décharger des cargos entiers sur ses épaules. Et à partir de 10h du matin, il manipulait des fûts de 100 kilos. Docile, il serrait son budget d'alimentation, aussi commençait-il à dépérir et même à battre de l'aile. De l'apparence d'un gorille, il était passé progressivement à celle du chimpanzé. puis du semnopithèque, du macaque, du sapajou. Après 18 semaines d'économie et de travail, il tournait au ouistiti tuberculeux. Je l'ai dit, la plaisanterie nous l'aimions bien rude. Aussi, avant même que le rideau ne se fût levé sur le dernier acte, nous lui procurâmes un avant-goût de la déception finale. Ce jour-là, pauvre machin arriva chez moi à 7 heures du matin. Ses yeux brillaient, ses pommettes étaient rouges, son haleine fétide. « Cigarette, je ne fume plus, me dit-il d'une voix fière mais assourdie par la fièvre. » Puis il tira de sa poche une liasse de billets rouges, verts, bleus, tout ça, et demanda avec une fausse négligence. « C'est bien 2000 bolivars en tout. » Hélas, nous avions calculé beaucoup trop juste. Si nous voulons nous assurer le silence d'un patron d'embarcation, il nous faut payer dans les grandes largeurs. Il eut du mal à refermer la bouche. Combien ? Au moins 500 bolivars qui ne sont pas compris dans le devis. Eh bien, qu'est-ce que tu veux, mon vieux ? Le silence, ça n'a pas de prix. Eh bien, si. Le prix du silence, il sut assez rapidement le chiffrer. 200 bolivars. Ce fut ce que lui coûta un pistolet automatique de pacotille avec lequel, peu soucieux des partages futurs, il tenta de me plomber à un coin de rue le lendemain soir. Inanition et surmenage aidant, il avait maintenant une silhouette bien reconnaissable. Ombre falote et fatiguée, il disparut en courant. En prêtant l'oreille, j'entendais son souffle bref et mal rythmé. Je ne le poursuivis pas. J'avais un peu le sentiment que je ne l'avais pas volé, ce qui d'ailleurs ne l'excusait pas, puisque lui, il l'ignorait. L'excellence de nos relations ne fut pas altérée par cet incident. 3 mois plus tard, arriva le grand jour, celui du départ. Je m'étais chargé des démarches auprès du patron pêcheur qui devait le mener sur la tortue. Mais Jimmy avait décidé de présider lui-même à l'embarquement du matériel. Aussi des tas de galets prirent-ils au fond des caisses la place du ravitaillement et des instruments. C'est à la tête d'une cargaison de cailloux que Jacques, à la nuit close, quitta les rivages du continent. Cette nuit-là fut grandiose et mémorable. Le menteur payait à boire à qui voulait. Les toasts succédaient aux toasts. Les oreilles du pionnier durent résonner jusqu'à l'aube, puisque la première santé que nous portions était toujours la sienne. Ce n'était que justice. Jimmy, à l'insu de tout le monde, Charlie et moi inclus, avait bazardé toute la camelote acquise par Jacques au prix de tant de sacrifices. Avec le produit de ce même larcin, il régalait la ville. Il avait dû se débrouiller pour vendre sans trop y perdre ou sans que pauvre machin y perdît. Bref, à en juger par la quantité d'hommes sous qui des ruelles du port regagnaient tant bien que mal leur domicile au petit matin, il avait dû en tirer pas loin du prix coûtant. Paraît que c'est un faux bruit. L'île de la Tortue n'était pas déserte, mais peuplée pour son malheureux kilomètre carré de superficie de 2700 serpents. Une densité démographique de 10 fois la Belgique. Et aucun des reptiles qui vivaient là n'était d'une variété inoffensive. N'eut comme la main de plus cette terre désolée. Du môle de Puerto Muerto, on s'en rendait parfaitement compte. Mais à l'opposé, face au large, il y avait un arbre saugrenu, unique, large, à l'épaisse et basse ramure. Jimmy n'ayant pas trouvé preneur pour la provision d'eau douce de l'explorateur, celui-ci du moins ne souffrit pas de la soif. Mais à part ça et le froid, je ne sais ce qui fut épargné au malheureux Jacques. Ni la fureur, ni l'angoisse pour commencer. La barque s'inclait déjà vent arrière à plus de 100 encablures. Il ouvrit la première caisse, la deuxième, la troisième, la vingtième. Alors il comprit à quel dénuement il se trouvait réduit. D'avoir importé par mer 20 caisses de galets sur un tas de cailloux au soubassement volcanique ne le fit pas même sourire. Je suis convaincue qu'il n'y prit pas garde. En louant une barque qui ce jour-là se trouvait par hasard à Puerto Muerto et dont le port d'attache était à 100 km plus à l'ouest, en passant consigne au patron de ne revenir à la tortue sous aucun prétexte après y avoir débarqué son passager, Jimmy savait ce qu'il faisait. Jacques héla en vain ses poumonas, dansa sur le rivage la danse du désespoir, en vain s'avança-t-il dans l'océan jusqu'aux aisselles, ne revenant en arrière que par crainte des requins. Vent en poupe, la barcasse continuait de cingler allègrement. Cinglait de plus belle, cinglait comme on n'avait jamais vu. C'est lorsqu'il sortit son pied gauche de la mer qu'il se trouva nez à nez avec un premier serpent. Serpent. Serpent, serpent de rechef. Serpent sans cesse. Du serpent, encore du serpent, toujours du serpent. Signé serpent. Le serpent n'attaque pas l'homme, mais il est curieux et familier comme le sont les bêtes sauvages, celles qui n'ont jamais été chassées. Peu farouche. Les 2700 euphidiens de l'île de la Tortue défilèrent sous les yeux du nouvel arrivant. Pour la nuit, Jacques décida de chercher refuge dans l'arbre dont il avait aperçu en débarquant la silhouette rassurante. Mais il était impossible d'avancer d'un pas sur cette terre à reptiles. Depuis l'aube, il était resté debout là où il était sorti de l'eau. Déjà, quand une crampe lui crispait une jambe, il regardait comme une bien périlleuse entreprise que de remuer lentement le membre endolori sous les yeux froids de ses ennemis qui tiraient en le regardant une langue bifide. Le soleil lui avait brûlé la tête et les yeux. De grosses cloques suintaient partout, les vêtements ne le protégeaient pas. Il décida de contourner l'île pour gagner l'ombre en marchant dans l'eau le long du bord. Pendant son court voyage, il fut deux ou trois fois dépassé par une sorte de bande ondulante, vivante, mordorée, noire et or, qu'il ne sut pas identifier. Ça valait mieux pour son moral. Animée d'intentions carnassières, une murène s'était attachée à ses pas. Elle regretta le temps perdu lorsqu'elle le vit remonter sur la terre ferme. Sans encombre, il parvint à l'arbre dont les branches lui semblaient tutélaires. Déconcerté par sa manœuvre tournante, les serpents s'étaient dispersés, reprenant leur trentrant quotidien. Jacques se hissa dans les branches basses et glissa dans le sommeil. En Amérique tropicale, une variété d'arbres, le pinyon, dégage la nuit des vapeurs dont les effets sont ceux de l'hypérite, à cela près qu'il ne dure qu'une semaine. L'unique arbre de la tortuga était justement un pignon. La portée de cette plaisanterie dépassait même nos prévisions. Le lendemain, un cotre, ailé au passage, ramenait au port de pêche un garçon gonflé de toutes parts. Il guérit dans les délais normaux et resta en bon terme avec nous. Le système de précaution du menteur avait fonctionné et détourné sur le patron de la barque les soupçons du volet. Du moins, cet échappatoire dispensa-t-elle, pauvre machin, d'entamer avec nous une controverse dont il redoutait sans doute l'issue. Le temps a passé. Aux dernières nouvelles, enrichi par l'expérience, monsieur pauvre machin est devenu un excellent businessman, rusé, défiant et prudent. Il aura bientôt son yacht de haute mer. Mais déjà, il regrette une première réalisation, cependant plus modeste. C'est un peu à la légère qu'il s'est, sur ses premiers gains, fait percer l'oreille gauche. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une nouvelle de Georges Arnaud, L'île de la tortue du pirate Morgan, lu par Arletti. Collaboration technique Joseph Rémiot, assistante de production Catherine Joubert, réalisation Paul Ventre. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 3 février 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.